vrai, ouais. Quand tu tues la forêt, hey, tu dis vrai, ouais. Quand tu détruis les vallées, hey, je dis vrai, ouais. Quand tu ruines l'eau potable, ah, tu dis vrai, ouais. Quand tu rejettes l'air immoral, je dis vrai, ouais. Il faut rentabiliser, hey, hey, hey, hey. Je dirais, ouais. Pour la perdition des poissons, oh, oh. Tu dirais, hey, hey. Pour les climats déréglés, hey, hey, hey. Je dirais, ouais. Pour les trafics de la rareté, hey, hey. Tu dirais, ouais. Quand ils veulent de la ferme, ferme, hein, hein. Voilà le soleil, voilà l'été, voilà la lumière qui entre pour la journée. Voilà les oiseaux, voilà la beauté, même les arcs-en-ciel sont des merveilles. Oh, oh, oh, j'aime le si, oh, oh, oh, oh, que j'adore. Oh, ta compagnie, mets-toi pour ton chien avec tes fruits. Mets-toi ma terre. Sors l'ennemi, le mal est si fait, pourrais-je réparer tous les préjudices assimilés? Il y a des honteux, il y a des pas, il y a des assistés, d'autres se battent, et d'autres se battent. I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, I said a red, il y a des insectes, d'autres bébés, d'autres animaux qui détruisent les règles établies. Mais il y a surtout l'homme, l'homme et son égo démesuré qui peut tout contrôler, mais c'est pas se gérer, peut tout assimiler, peut tout posséder, veut tout trafiquer. Mais les clones politiques qui ne servent à rien qu'à organiser la haine, de détester son voisin et les religions assurent encore plus. La vie est le bagnon, les oiseaux pas des cons. Tu es pour t'amuser, ne sert une fois de plus à rien, à rien. Non, je ne parle pas, non, je ne parle pas. I said a ring, a fish, I said a oh, oh.